BR Metal, avec 4 divisions, mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture Industrielle, est une entreprise en pleine expansion avec plus de 45 employés. Pour nous, la jeunesse et l'économie nous tient à cœur. C'est pour cette raison que nous sommes très heureux d'être partenaires de la chronique du président du hockey mineur David Lamontagne. BR Metal, 353 Gustave Dessuroy Dolbeau-Mistassini, 418-276-5888. Les employés et la direction de BR Metal souhaitent une bonne saison à tous les hockeyeurs et les équipes de Dolbeau-Mistassini. C'est la chronique du hockey mineur de Dolbeau-Mistassini avec notre ami David Lamontagne. Salut David. Salut Danny. David, gros tournoi en fin de semaine. Il y a eu un tournoi en fin de semaine de catégorie novice à Normandin. Est-ce que tu as eu des nouvelles? C'était du pré-novice. Pré-novice, oui. Ça s'est bien déroulé. J'ai pas exactement le nombre d'équipes. Là. Moi, j'ai pas pu être présent en fin de semaine. OK. J'ai bien apprécié. Puis c'est toujours bien organisé à Normandin. C'est important, je veux pas, là, être novice. C'est la porte d'entrée au hockey. Là. Ben oui. Ouais, je sais qu'il y avait des étoiles du match, les jeunes, les premières étoiles du match. Là, c'est assez impressionnant pour eux autres. Je sais que ça s'est bien déroulé. Il y avait combien d'équipes? C'est pas le nombre d'équipes. Qu'est-ce qui s'en vient maintenant? Le tournoi midget, c'est ça? Le tournoi midget après les fêtes. Je sais qu'ils sont en préparation. Je sais qu'ils ont quand même beaucoup d'équipes. Je sais qu'ils ont réussi à attirer beaucoup d'équipes là, de double lettre là, cette année. Là. Je sais qu'il y a des années qu'ils avaient. Ben oui, ils ont baissé le prix. Ils ont baissé la catégorie. Je sais que cette année, là, ils ont beaucoup d'équipes. Je pense que c'est 5-6 équipes. Si c'est pas plus. Ouais. Bon, c'est pas mal le fun. Après ça, qu'est-ce qui s'en vient aussi? Ça, il n'y a pas un tournoi tout de suite après les fêtes aussi? Là? Non, là, excuse-moi, j'ai oublié le tournoi novice. Oui, il y a le tournoi novice à la fin janvier. OK. À la fin de semaine de janvier. Ouais. Chez les autres, je sais pas, je sais qu'il y avait ils ont repoussé un petit peu les dates d'inscription. S'il y a des équipes novices qui veulent s'inscrire, sont bienvenus. Ils ont tardé un petit peu pour permettre d'avoir plus d'inscriptions. OK. Hey, question que je me pose. David, question que je me pose. Là, on a une équipe senior maintenant, le multi-concessionnaire senior régional. Est-ce que ça va être bon pour le hockey mineur? Je sais que c'est pas dans votre jug, c'est pas dans votre... vous les parrainez pas, mais ça peut pas faire autrement que d'améliorer les inscriptions et ainsi de suite, parce que ça, selon honnête, ce qu'on entend dire, c'est que ça pogne pas mal. Donc c'est bon pour vous autres? Ça pogne pas mal, puis ça peut pas être mauvais non plus, tu sais, ça peut... ça fait avoir plus d'envie aux jeunes, ça fait pas chercher que ça pogne chez les adultes, ça pogne chez les jeunes aussi, là. Les jeunes veulent y aller, les jeunes je suis convaincu que ça ne peut pas faire de tort là, au hockey mineur. David Lamontagne, on se reprend après les fêtes. Oui, pas de problème, Danny. Notre chronique de hockey mineur, commandité par BR Metal.